La représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a publié le 20e courant un communiqué dévoilant l'injustice des résolutions sur sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la République populaire démocratique de Corée pour distribuer au secrétariat de l'ONU, aux représentations des pays membres et à la presse à l'ONU. En voici le résumé. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte toujours de force des résolutions sur sanctions contre la République populaire démocratique de Corée qui sont entièrement dépourvues de légalité, de moralité et d'équité. Toutes les résolutions en cause sont toutes les documents illégaux fabriqués par l'arbitraire des États-Unis en se moquant de la charte de l'ONU et des droits internationaux reconnus. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne cesse de fabriquer des résolutions sur sanctions sous prétexte des essais nucléaires et des lancements de satellites pacifiques en Corée, qui, selon lui, constituent la soi-disant menace contre la paix internationale. Alors, si les essais nucléaires et lancements de satellites pacifiques menacent la paix et la sécurité internationale, pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU n'a-t-il pas exercé jusqu'à présent des sanctions à l'égard des essais nucléaires et lancements satellitaires des autres pays? Le secrétariat de l'ONU ne répond jamais jusqu'à présent à notre revendication d'éclaircir le fondement juridique des résolutions sur sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la République populaire démocratique de Corée. Avant que de tels points douteux ne soient éclaircis, les pays membres de l'ONU ne pourront pas accepter ni appliquer les résolutions sur sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Si les pays membres de l'ONU ferment les yeux sur le diktat des puissances abusant du Conseil de sécurité et les suivent aveuglément, le Conseil sera davantage à la merci des puissances qui se conduisent comme empereurs. Il faut noter que le document final du 17e sommet des États non alignés tenu en septembre dernier au Venezuela et la déclaration de la conférence ministérielle du groupe 77 tenue au cours de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU ont condamné les résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU et les sanctions arbitraires des États-Unis et de l'Occident contre la République populaire démocratique de Corée. Voilà la réponse de la société internationale et la voix de la justice.